France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Des spectateurs, des admirateurs, le théâtre des Champs-Élysées à Paris est à la veille de célébrer son centenaire. On aurait du mal à trouver aujourd'hui des témoins de la création de ce théâtre, 15 avenue Montaigne, dans le 8e arrondissement, bien sûr. Et à les interroger, à les enregistrer, à savourer leurs souvenirs, le souvenir de leur première grande soirée au théâtre des Champs-Élysées. Ils ou elles parleraient de la beauté de la salle, évoqueraient les spectateurs célèbres, raconteraient les grandes batailles. Mais foin du conditionnel, l'imparfait, le passé composé, le passé simple sont là, bien présents, si l'on ose dire, grâce à la Radio Nationale qui, en 1963, pour le cinquantenaire de la salle, a su tendre ses micros à qui de droit. Lucien Astruc, Olga Adabache, Georges Auric, Pierre Bertin, Brassailles, Madame Bourdel. À l'occasion du 50e anniversaire du Théâtre des Champs-Élysées, RTF France 3 National présente 15 avenue Montaigne. Production et interview recueillies par Sylvie Albert. Aujourd'hui, la grande soirée. Coproduction Jacqueline Arpet, assistant Pierre Cazaré, présentation et réalisation Pierre Barbier. Nous avons parlé du théâtre, de son architecture, sa décoration, son acoustique exceptionnelle. Et puis nous avons précédemment évoqué l'inauguration et les différentes saisons de ballet. Une prochaine émission sera consacrée le 10 avril aux grands concerts, aux compositeurs et aux interprètes qui ont illustré cette maison. Ce soir sera la grande halte, la grande soirée, au cours de laquelle de nombreuses personnalités rassemblées grâce aux dons d'ubiquité de la radio diront pourquoi le théâtre leur tient tant à cœur. Oui, ce soir, vacances pour tous. Liberté pour chacun d'évoquer, selon son tempérament, des moments élus. Gerbe de souvenirs. Il faut quand même mettre un peu d'ordre dans ce discours. D'abord, un mot à propos de l'initiateur du théâtre, Gabriel Astruc, qui apporta l'esprit de persévérance nécessaire à l'édification et à l'achèvement de l'œuvre. Claude Rostand et Lucien Astruc parlent. Lucien Astruc, vous êtes la fille de ce grand inventeur d'idées, de ce grand inventeur d'hommes, de ce grand, oserais-je dire, entrepreneur de choses artistiques, entrepreneur dans le sens le plus grandiose et le plus noble du mot, que fut Gabriel Astruc. Je voudrais que la fille nous parle de son père. D'abord, comment était-il? Est-ce que c'était un homme bourru, souriant, aimable, cordial? Comment était-il? Ce n'était pas un homme bourru, c'était un homme très aimable, mais qui, néanmoins, vivait dans une espèce de notion de grandiose qui faisait croire à nombre de gens qu'il était hautain, ce qui n'était pas du tout, car c'était un tendre qui, à chaque occasion, aimait à prouver à ses amis qu'il n'avait rien de plus proche et était avec sa famille, avec sa fille, bien entendu, ce n'est pas moi qui vous dirais le contraire, un père absolument exemplaire. Il avait une notion d'un rôle à remplir et qui lui était dévolu depuis son extrême jeunesse, car il avait une passion pour la musique qu'il avait inventée. Il appartenait à une famille plus littéraire que musicienne et il avait un sens de sa responsabilité qui faisait que quand il avait 5 ou 6 ans et qu'il était arrivé à l'école, pour la première fois, on lui avait demandé quel était son nom et sachant déjà que ce nom allait devoir être illustré, il avait dit « Je suis Monsieur Gabriel Astruc ». Est-ce qu'il avait toujours songé à s'orienter vers des activités, je ne dirais pas seulement musicales, mais théâtrales dans l'ensemble? Au début, il s'était tout à fait adonné à la littérature. Il avait dû débuter chez Paul Hollendorf, où il avait contribué à toutes les éditions de Maupassant, de Georges Onès, qui était un petit peu moins reluisant, d'Alfred Capus, de toute une génération qui d'ailleurs allait bientôt être aussi celle de la Revue Blanche. Bien des figures de ce temps-là ont disparu, Pierre Bertin. J'ai été très souvent dans ce très beau théâtre. J'ai vu tellement de choses dans ce théâtre. J'ai entendu tellement de musique. Il y a tellement de souvenirs de ma jeunesse qui sont dans ce théâtre que je ne peux jamais rentrer là sans avoir un petit pincement au cœur en pensant à tous ceux qui sont entrés comme moi et qui ne sont plus. Je vois encore Claudel, qui sortait d'un concert, par exemple, à qui je serrais la main il n'y a pas encore si longtemps. La vieille princesse de Polignac, Winnie de Polignac, qui aimait tellement la musique, qui ne manquait jamais un concert aux Champs-Élysées. On se réunissait toujours un tout petit peu, là, après le concert, dans le grand hall de sortie. On se saluait avec la courtoisie des gens de l'ancien temps. C'était charmant. Et puis quoi, que vous dirais-je encore? Simplement que je suis ému chaque fois que je vais là. Tout cela pour toute ma jeunesse et pour tout le futur, car je suis sûr que tous les artistes de demain vont encore défiler là à la suite de tous ceux qu'il ne faut pas oublier. Une autre génération qui, elle, n'a pas connu les débuts du théâtre, a grandi, je dirais, presque à l'ombre de sa légende. Les réactions sont parfois curieuses. Écoutez Maurice Leroux. Évidemment, je n'ai pas assisté à la première du Sacre du Printemps, ni à celle de Jeu, de Debussy, mais enfin, je peux dire que toute ma vie s'est passée au Théâtre des Champs-Élysées, soit comme spectateur, comme admirateur, et ensuite comme acteur, si on veut dire, enfin, au moment où j'ai commencé mes premiers concerts. En vérité, d'abord, le cadre m'avait un peu impressionné, et quand j'étais enfant, je trouvais ça très laid. Je dois vous dire, je trouvais que le cadre était très laid, très bizarre, et puis peu à peu, j'ai trouvé ça de plus en plus beau, et maintenant, je dois dire que c'est un lieu... Je parle au point de vue décoration, architecture, n'est-ce pas? Puis maintenant, je trouve ça tellement extraordinaire et je comprends que ce théâtre et sa façade étaient classés monument historique, au contraire, car c'est un des grands chefs-d'œuvre d'architecture que nous ayons au point de vue urbanisme en France, à Paris du moins. Olivier Messiaen, lui, a des souvenirs un peu plus anciens. Partons dans le déambulatoire et qui se trouve au-dessus du grand escalier d'honneur du Théâtre des Champs-Élysées. Il y a là des merveilleuses fresques de Bourdel. Peut-être le chef-d'œuvre de Bourdel d'ailleurs, comme qualité de dessin, et aussi comme intention symbolique. Il y a notamment là un rapprochement entre les pensées ésotériques et les mystères d'Éleusis de la Grèce antique et la religion chrétienne, qui est très étrange. Et j'ai un souvenir très vivace d'une extraordinaire Psyché et l'amour, qui est sans doute le chef-d'œuvre de Bourdel. Cette salle si extraordinaire, qui est devenu le centre de la musique moderne et de la musique tout court en France. Cette salle, elle a failli mourir plusieurs fois. Elle est morte tout à fait à ses débuts. Et puis, il est arrivé Madame Ganavalska et Walter Staram qui ont repris la chose en main et qui ont fait ces concerts extraordinaires dont j'ai été un des heureux et derniers bénéficiaires. Considérons, si vous le voulez bien, que nous sommes entrés dans le théâtre cette fois. Eh bien, il y a un nom que l'on doit prononcer, car il est historiquement l'un des plus célèbres, l'un des plus fameux, attaché au nom du Théâtre des Champs-Élysées, c'est le nom de Diaghilev. Arthur Rubinstein, parlez-nous de Diaghilev. Diaghilev était une grande famille aristocrate, un peu étrange comme mœurs, comme tout le monde le sait, enfin, je ne révèle rien à vos auditeurs. Eh bien, ils n'avaient rien à faire que des choses, ils s'occupaient de choses de l'art. Comme beaucoup de jeunes aristocrates désœuvrés, il était riche. Et alors, il a dépensé toute sa fortune dans un magazine d'art, de grand, grand, grand luxe. Il a lancé de jeunes peintres qui n'avaient aucun succès en Russie, mais qu'il trouvait bon parce qu'il avait un goût vraiment supérieur. Il avait un goût génial, cet homme. Il savait discerner immédiatement le génie du talent et le talent du néant. Il savait immédiatement. Donc, il voulait faire quelque chose quand il a perdu son argent. Il a obtenu des fonds d'une grande duchesse, Vladimir, qui était amoureuse de Guitry. Tout cela, c'est l'histoire très amusante, n'est-ce pas? Elle l'a aidé de venir à Paris avec un festival de musique russe. Musique russe inconnue à Paris. Et pour cela, il a engagé Chaliapin. Il a engagé aussi une cantatrice française qui était Félia Litvin, formidable. Et alors, comme chef d'orchestre, presque tous les créateurs, comme Rachmaninov, Glazounov, il y avait Scriabine, tous ces gens-là sont venus à Paris. On a donné 4 séances à l'opéra, inoubliables, inoubliables. Jamais je n'oublierai. Moi, j'étais à toutes les 4 séances. Et donc, Chaliapin avait son triomphe personnel. C'était un génie, n'est-ce pas, de chanteur. Et il a chanté des airs du prince Igor et de Boris Godounov, qui était de ses meilleurs, n'est-ce pas. Et alors, les gens de Paris se demandaient, mais qu'est-ce que c'est que ces airs-là? Enfin, à quoi est-ce que ça appartient? On leur a dit, ce sont 2 opéras. Un opéra de Moussorski, l'autre de Borodine. Mais on veut entendre cela. Monsieur Astruc a fait revenir Diaghilev l'année suivante avec l'opéra de Pétersbourg, alors, n'est-ce pas? Et avec Chaliapin, naturellement, et a produit le prince Igor et Boris Godounov. Mais, de nouveau, pour faire plus beau, il a demandé à un danseur qui était un de ses amis, Fokin, de créer une danse spéciale pour le prince Igor. Les danses du prince Igor. Fokin a fait cela avec des danseurs de premier ordre, que Paris n'a jamais vu de pareils. Et Diaghilev a demandé aussi à ce quelques rapins, Bakst, Rurich, Golovin, de faire des décors un peu modernisés. Ça a foudroyé Paris. On a dit, mais ce ballet, c'est un ballet qu'on n'a jamais vu, il nous faut des ballets. L'année suivante, M. Diaghilev, avec l'aide d'Astruc toujours, est arrivé avec un ballet, Pavlova, Karsavina, Nijinsky. Et c'est vraiment tout à fait remarquable. C'est l'ascension de Diaghilev, justement, avec l'imagination d'Astruc. Un autre nom prestigieux, non plus cette fois dans le domaine du ballet, mais dans celui de l'opéra, est celui de Chaliapin. André Jolivet a sur lui des souvenirs d'adolescent. Je suis parisien de naissance et fils de parisien. Pour moi, Paris est un village où chaque trottoir, chaque monument, chaque coin de rue évoque des souvenirs. Sur le plan du théâtre, mes premiers souvenirs remarquables s'attachent au théâtre des Champs-Élysées. Pour le monument lui-même, qui manifestait avec autant d'élégance que d'audace l'architecture contemporaine, et sur le plan de la musique, grâce aux représentations exceptionnelles qu'il m'a été donné d'y voir dès mon plus jeune âge, particulièrement celle des ballets suédois, avec notamment la création du monde de Darius Milhaud dans les décors de Fernand Léger, les représentations de l'art vinaigre qui ont marqué la naissance de cette étoile extraordinaire qu'est Joséphine Baker, les représentations de l'opéra russe avec Chaliapin, que j'ai eu l'occasion de voir notamment dans Boris Godounov, et à ce moment-là j'assistais à ces représentations dont le prix des places était absolument prohibitif, grâce à des camarades musiciens qui me camouflaient dans la fosse de l'orchestre. Ce qui m'a permis d'entendre dans le grand air de Boris, Chaliapin faire signe aux 4 corps qui lançaient, tous pavillons en l'air, un contre-fa sublime, pendant que lui se bornait à chanter un ut. Un autre témoin de cette époque est Serge Liffard. J'ai vu les plus grands acteurs, chanteurs, les plus géniales expressions, peut-être, de la race russe. C'était Théodore Chaliapin. J'ai entendu dans les opéras, j'ai entendu au concert, et bien sûr, ce théâtre peut être fier de ses artistes. Naturellement, Grégory Schmara a bien connu Chaliapin. Elle me dit très souvent, Stanislas, que Chaliapin peut jouer Shakespeare. Chaliapin peut, parce que c'est une génie. Il possède tout ce qu'il faut pour les tragédies. Sa voix, sa prononciation, son diction, son tempérament, son geste, est tout là pour Shakespeare, vous savez. Tandis pour Tchekhov, par exemple, je dis, et si elle joue Tchekhov? Ça, il dit, je ne sais pas. De l'apparition de Chaliapin sur la scène, Madame Bourdel a gardé un souvenir inoubliable. J'ai vu Chaliapin. Je ne le connaissais pas, mon mari non plus. C'était des Russes qui nous avaient parlé. Alors nous sommes allés au théâtre. Toute la troupe était très belle. Alors, nous sommes allés entendre Boris Godounov. Les acteurs ont commencé à venir. Bourdel me dit, oh, ça doit être celui-là, il est magnifique. Moi, j'ai dit non, moi, je crois que ça doit être l'autre. Enfin, ils étaient tous tellement étonnants que nous avons pris l'un ou l'autre pour Chaliapini. Mais quand Chaliapini est rentré, il n'y avait plus de doute. Aucun doute. Là, tout le monde n'avait qu'à s'incliner. Pas seulement parce qu'il dépassait tout le monde de la tête et plus, mais parce que sa façon de se tenir, sa façon de jouer, c'est fantastique parce que cet homme chantait. Et vous avez remarqué que les chanteurs, quand ils chantent, gonflent leur cou, ils font des gestes, ils sont assommants. Eh bien, lui, pas du tout. Il chantait et vous oubliez qu'il chantait. Ou nous avions l'impression qu'il parlait. Il était en même temps un acteur extraordinaire. Je me rappelle, dans cette pièce de Boris Godounov, il y a un acte qui n'impressionne personne parce qu'il n'y a rien. C'est le roi Boris Godounov qui parle avec ses deux enfants. C'est extrêmement simple. Eh bien, Chaliapine l'a joué avec une telle simplicité, avec une telle noblesse, que c'était merveilleux à voir. J'ai totalement oublié qu'il chantait. Nous l'avons vu aussi jouer la Covenchina. Et puis plus tard, les Russes ont voulu comparer Chaliapini avec Smirnov. Smirnov, c'était le grand chanteur russe, c'était le fils du diacre de Moscou. Et il était uniquement chanteur, il n'était pas acteur du tout. Et on les a fait chanter l'un et puis l'autre, l'un et puis l'autre. Le théâtre était comble. Alors, Smirnov avait une voix plus douce, plus cultivée. Et moi, je ne peux pas parler musique, mais il a chanté au point de vue musicien d'une façon admirable. Chaliapine, lui, était plus acteur. Alors, chanter comme ça seulement un chant, il n'était pas à son avantage. C'était passionnant d'entendre la discussion du public. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Et c'était très intéressant parce qu'ils étaient tous les deux peut-être aussi grands l'un que l'autre, mais d'une façon totalement opposée et différente. Un autre grand nom reste lié à cette première partie de la vie du théâtre, c'est celui de Debussy. Ici fut créé l'après-midi d'un faune qui décida de la vocation d'un homme comme Laurine Mazel. La première œuvre orchestrale jamais entendue dans ma vie était justement l'après-midi d'un faune, dirigé par Klemperer en 1936 à Los Angeles. Il était le chef permanent de l'orchestre, j'avais 6 ans. Et cette œuvre m'a impressionné d'une façon extraordinaire. Et quand j'ai commencé la direction d'orchestre, il y a 2 ans plus tard, alors j'ai insisté pour qu'on me donnait l'après-midi d'un faune à étudier. J'ai cette musique dans le sang. Mais un homme comme Georges Auric a connu Debussy. Avez-vous, Georges Auric, un souvenir sur Debussy? Eh bien, oui, j'ai un souvenir de Debussy dans cette salle, et j'en ai même un à la fois très précis, parce qu'il s'agissait de Debussy et qu'un maître de cette sorte on ne l'oublie pas si vite, mais en même temps que très précis, il est tout de même assez lointain, puisque c'est en 1913, ça devait être au mois d'octobre ou au mois de novembre, que j'ai eu la joie de pouvoir écouter un concert symphonique, bien entendu, dirigé par Debussy. Dans ce concert, on jouait entre autres œuvres Iberia, et j'ai conservé toujours le souvenir de Debussy à la tête de cet orchestre, dont il faut bien dire que je n'ai pas eu l'impression qu'il avait peut-être une maîtrise aussi totale qu'il avait une maîtrise de l'art de la composition. Je ne crois pas que Debussy, et ceci n'a rien d'insultant pour sa mémoire, parce que je ne suis pas le premier à le signaler, je ne crois pas que Debussy ait jamais été un très grand chef d'orchestre, et je pense que c'était peut-être pour des raisons un peu différentes d'une simple passion de l'art de conduire, qu'il se livrait à cette sorte d'exhibition publique qui avait l'air de le gêner singulièrement. Mais en tout cas, c'était, vous l'imaginez, pour le très jeune musicien que j'étais à cette époque, c'était tout de même une sorte d'événement tout à fait étonnant et inoubliable que de pouvoir assister à un concert d'œuvres de Debussy conduites par leur auteur lui-même. Et c'est pourquoi, je vous l'ai dit tout de suite, j'ai conservé un souvenir excessivement précis de cette soirée. Le Théâtre des Champs-Élysées, de tout temps, a été l'un des grands théâtres élégants de Paris. Nous l'avons vu, les danseurs et les danseuses sont particulièrement sensibles aux rites de la salle. Ainsi, Liane Daïdé. Le Théâtre des Champs-Élysées est un des rares théâtres à Paris où l'on s'habille encore. Ce qui est assez rare parce que, même à l'Opéra de Paris, maintenant, on voit des gens, même aux soirées, aux premières, qui ne sont pas en smoking, qui ne sont pas en grande tenue. Tandis qu'au Théâtre des Champs-Élysées, même quand c'est seulement souhaité, la tenue de soirée qui n'est pas de rigueur, eh bien toutes les femmes sont très élégantes, les hommes très bien habillés, en habit. Quand on est sur scène ou dans la salle, c'est très très agréable pour l'interprète. Amoureux des formes, Ossip Zadkine a un point de vue qui ne manque pas d'humour. L'année dernière, je suis retourné dans ce théâtre, dans cette salle principale. Eh bien, je l'ai trouvé encore bien. J'ai trouvé si bien, par exemple, le bel étage qui est bas et on peut voir toutes les dames. On peut voir les dames avec les robes. C'est dommage qu'on ne peut pas voir les dames sans les robes, naturellement. Mais enfin, on les voit dans les robes assez déshabillées. Et je trouve que c'est assez suffisant, déjà, pour un homme qui est venu pas seulement que voir les dames déshabillées. Il est venu, comme moi, je suis venu pour entendre la musique. Eh bien, la musique, avec cette exposition si harmonieuse des choses, comme Perret a si bien compris, comment placer des gens qui écoutent ou qui voient des choses. Et c'est un problème qui n'est pas si petit que ça. C'est une chose énorme. C'est un théâtre dans lequel, avant que la musique commence, il y a des sortes de réjouissances mineures qui vous préparent, qui vous apprêtent pour écouter, pour entrer dans la grande forêt musicale, si c'est une chose de Markiewicz, et dans les autres forêts, parce qu'il y a encore d'autres forêts aussi, théâtrales, de pièces de théâtre et ainsi de suite. Madame Bordel nous conte une anecdote toute savoureuse. Nous sommes allés à la première de l'après-midi d'un faune. Ginch qui était admirable. Et les décors étaient beaux, mais la musique, évidemment, est, vous savez, est de Debussy. Mais mon mari était un visuel. Et quand il voyait une pièce comme ça, il voyait surtout Ginch qui est les acteurs. Alors, tout le monde, comme c'était une très grande fête, tout le monde était habillé, les femmes en grand décolleté, les hommes en habit, en smoking, et mon mari qui avait horreur de ça, il a été obligé de mettre quand même son smoking. Alors ce soir-là, je vois un monsieur habillé de gris, avec un chapeau mou, entouré d'un tas de jeunes gens, et il circulait dans le théâtre. J'ai dit à mon mari, quel est cet homme? Il me dit, c'est André Gide. Et moi, j'avais lu l'œuvre de Gide et je l'admirais beaucoup. Et j'ai remarqué sa tête. Et il avait une tête grave, intéressante, beaucoup de caractère. Mais j'ai dit à mon mari, c'est curieux, pourquoi il ne porte pas un habit, mais il vient avec un costume d'après-midi? Alors mon mari a souri, il m'a dit, mais s'il était habillé comme tout le monde, tu ne l'aurais pas remarqué. L'une des grandes directions du Théâtre des Champs-Élysées a été celle de Jacques Héberto. Michel Dufay lui demande en quelles circonstances il a pris la tête de ce théâtre. Il est un moment de votre vie sur lequel je voudrais vous voir concentrer vos souvenirs. Il s'agit des années que vous avez passées au Théâtre des Champs-Élysées. Cela ne nous rajeunit ni l'un ni l'autre, mais nous reporte au mois de janvier 1920. Pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances, il y a 42 ans, vous avez pris la direction de ce théâtre? Bon, d'abord, il y a une petite erreur. Ça ne s'est pas passé au mois de janvier, mais ça s'est passé au mois de juin. J'avais fait la connaissance, lors d'un voyage en Suède, de Rolf de Marais, qui s'intéressait déjà à la danse, et surtout un danseur qui s'appelait Jean Borlin. Lors d'un voyage qu'il fit à Paris, il me demanda d'organiser une soirée pour Jean Borlin, car il voulait montrer aux Parisiens ce jeune danseur qui avait beaucoup de talent et qui était à ce moment-là à l'Opéra de Stockholm. Je choisis la Comédie des Champs-Élysées pour organiser un récital Jean Borlin, qui passa, je dois le dire, un peu inaperçu, mais qui quand même ne fut pas sans succès. Ensuite, Rolf de Marais aurait voulu que Borlin prît une place à Paris et qu'il quitta la Suède, où il est évidemment très difficile de se faire une situation internationale sur le plan de la danse. Au cours d'une conversation que j'eus avec lui, je lui dis « Mais pourquoi vous ne faites pas les ballets suédois ? Il y a les ballets russes, pourquoi ne feriez-vous pas les ballets suédois ? Les ballets suédois, c'est passionnant, il y a la Décarlé, le Vermland, des légendes admirables. Je crois que les ballets suédois, avec leur folklore peu connu des Français et de l'Europe entière et du monde entier, seraient susceptibles d'avoir beaucoup de succès. Ce dîner se passait chez Payard, puis nous n'allâmes pas plus loin. Il partait à ce moment-là en voyage pour le Maroc. Il revint environ 15 jours après, nous dînâmes à nouveau, il me dit « c'est fait ». Je lui dis « qu'est-ce qui est fait ?» Il me dit « ben les ballets suédois ». Et il venait avec des contrats, il me demanda de partir pour Stockholm, engager une partie de la troupe, et voilà comment se firent les ballets suédois, et comment se fit aussi le théâtre des Champs-Élysées, tout au moins quand je le dirigeais. Jacques Héberteau apparaissait à tout le monde un peu comme le bon Dieu, enfin le grand patron. C'est d'ailleurs ce que nous dit Jean Viénère. Je me rappelle la personne de Jacques Héberteau dans ce théâtre. C'était quelque chose qu'on ne peut à peine raconter, car il était à la fois la terreur de tout le monde, et on l'aimait tellement, et il avait un tel charme que, malgré le risque d'être terrifié, ben voilà, on aimait le voir, on aimait entrer chez lui. Je dois dire que personnellement, il a été toujours d'une extrême gentillesse avec moi. Et je me rappelle toujours, avant d'entrer dans ce fameux couloir qui est à droite du théâtre, ce fameux couloir où on a eu tant de choses et tant de gens passés, devant ce couloir, ou bien sa voiture était là, ou elle n'y était pas. Quand sa voiture n'était pas là, c'est qu'il n'était pas là. Et je me rappellerai toute ma vie cette voiture qui lui ressemblait tellement. C'était un magnifique cabriolet voisin. C'est une marque d'automobile qui a été la marque des aristocrates et des amateurs de moteurs extraordinaires. Et il avait un chauffeur noir. Et tout ça ressemblait tellement à Jacques que je me suis cru devoir le raconter, parce que la voiture de Jacques, son chauffeur noir, et cette espèce de terreur qu'il représentait pour beaucoup de gens, ça a été quand même toute une époque. On sait que l'histoire d'un pays est faite d'heures glorieuses, pacifiques bien sûr, mais également d'histoires de batailles. Eh bien, ce sont des batailles que nous allons évoquer maintenant. Tout d'abord, la bataille du Sacre, avec naturellement Jean Cocteau. J'ai assisté à la première du Sacre du Printemps, et ce qui est curieux, c'est que tout le monde sifflait, huait, se battait, et qu'aujourd'hui, on ne trouve plus un seul de ces combattants. Personne n'avoue avoir été parmi les siffleurs. Et comment expliquez-vous ça ? Eh bien, la musique n'avait pas encore fait son mouvement fauve. C'était arrivé au moment de la peinture des fauves, et la musique était encore la musique impressionniste. Et tout à coup, Stravinsky est arrivé avec une musique qui déracinait. Et comment il a réagi, Stravinsky, à cette période ? Il a réagi avec beaucoup de stupeur, parce que il avait travaillé au Sacre, Diaghilev l'avait fait travailler au Sacre avec beaucoup d'amour, et il ne se rendait pas compte qu'il produirait ce scandale. Et même quand on a donné le Sacre au concert ensuite, dans la salle qui est maintenant la salle du Casino de Paris, eh bien, il a eu un triomphe, parce qu'alors, au lieu de ce public snob, c'était un public de jeunes, et devant ce vacarme amoureux, il avait pris la fuite, croyant qu'on allait le battre à la sortie, qu'on allait lui donner des coups de bâton. Si, on l'a rattrapé, j'ai couru sur la scène, et il s'est rendu compte qu'il avait joué devant un public qui n'était pas encore prêt à entendre le Sacre, et que là, il jouait devant un public qui était prêt à l'entendre. Une nouvelle génération se lève. Pierre Bertin nous parle d'un certain René Clair qui fera quelques bruits par la suite. Un jour, à Montparnasse, on dit, vous savez, il faut tous aller pour aider René Clair, le jeune René Clair, qui est un jeune cinéaste, qui va faire un film. Il a besoin d'une figuration assez considérable. Ben, mon Dieu, il faut aller l'aider. Il faut aller à 10 heures du matin, demain, sur les toits du théâtre des Champs-Élysées. Oh, quel drôle de rendez-vous! Enfin, nous voilà tous réunis avec Éric Satie, qui était avec nous comme un jeune homme, un vieux jeune homme qu'il a toujours été toute sa vie. Et avec, bien sûr, son chapeau rond, son parapluie sur le bras, son pardessus. Il était habillé comme il était toujours. C'est légendaire, le costume d'Éric Satie. Et nous, mon Dieu, c'était ce mélange de peintres, de musiciens, des Montparnasse, quoi. Nous étions tous là, il y avait des jeunes comédiens, il y avait un petit peu de tout, des amis. Et puis René Clair nous dit, ben voilà ce que vous allez faire, vous devez faire ça, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Et nous voilà tous sur les Champs-Élysées, c'était une partie de plaisir, bien sûr. Et puis ensuite, nous avons figuré, nous avons continué ce qu'ils pouvaient, parce qu'on avait autre chose à faire dans la vie. Mais enfin, il y avait toute une scène de corbillards qui se promenaient dans un village. Il fallait y aller, n'est-ce pas ? Il fallait suivre le corbillard. Et nous avons fait ça... plusieurs d'entre nous, bien sûr. Et le film a été une grande réussite parce que c'est le premier film surréaliste, en somme, qui a existé. C'est René Clair qui l'a fait. Il est très poétique, très charmant. Et Borlin, le danseur Borlin, créait le principal rôle du film. Pierre Reverdy, je crois, il en était le poète. Reverdy, enfin, il y avait beaucoup de gens et même des gens que nous ne connaissions pas parce qu'on avait racolé tout ce que nous avions pu. Et maintenant, avec Henri Sauguet, voici l'histoire de la bataille. Relâche. J'y ai vu cette chose étonnante, j'y ai vu la première de Relâche, de Satie et de Picabia. Vous savez que Relâche ne fut pas donné le soir où il devait être donné. En effet, le soir où Relâche devait être donné, on dut afficher Relâche. Et pour de bon, car ce jour-là, en effet, Jean Borlin, qui devait danser le rôle principal, s'est enfoulé la cheville, n'avait pas pu danser. Et les spectateurs crurent à une plaisanterie de Picabia et de Satie, car devant le théâtre des Champs-Élysées, la foule habituée en première de Paris, elle était considérable, et elle arrivait en voiture à ce moment-là, et avec beaucoup d'élégance, eh bien, cette foule se trouva devant un théâtre sur lequel était affiché Relâche, et les gens la prirent assez mal. Je me rappelle avoir passé cette soirée avec Satie, un peu mélancolique et un peu agacée de tout cela. Je me rappelle, c'était au café Weber, qui n'existe plus aujourd'hui, mon Dieu, tout cela est parti. Et avec Satie. Mais la première eut lieu quelques jours après, avec le même éclat, et alors que le public, après avoir manifesté pendant la représentation, qui était assez houleuse, car il s'y trouvait une femme qui était traînée en brouette, enfin, il y avait des choses assez étonnantes, on y voyait Madame Marthe Chenal distribuer des bouquets pendant le spectacle, il y avait l'entracte cinématographique de René Clair, qui était son premier, qui était, vous savez, un espèce d'enterrement au cours duquel tous les gens mangeaient les couronnes mortuaires parce qu'elles étaient en gâteau. Enfin, tout ceci avait provoqué des remous divers dans l'assistance, et à la fin, quand le ballet finit, les supporters de Satie et de Picabia firent grand effet, grand succès à l'ouvrage, sifflés d'un autre côté par les surréalistes qui détestaient Picabia. Il y avait des batailles, à ce moment-là, beaucoup de batailles entre les surréalistes et le monde littéraire et le monde artistique. Alors on vit arriver une petite voiture, 5 chevaux Citroën, c'était la voiture à la mode à l'époque, et descendre de la voiture, qui était conduite par le chef d'orchestre, le jeune Roger Desormières, descendre de la voiture, Éric Satie, son chapeau melon, son pardessus, son parapluie au bras, et le cher Picabia, et venir saluer le public au milieu de la stupeur générale. Voyez-vous, tout cela, ce sont des heures historiques du théâtre des Champs-Élysées, des heures amusantes et des heures en même temps extrêmement vivantes. Et cette vie, je crois, le théâtre l'a toujours continuer en ouvrant ses portes à toutes les manifestations d'art contemporain, quelles qu'elles soient, n'est-ce pas ? L'une des toutes dernières batailles, c'est celle livrée par la musique concrète et encore plus par Edgar Varèse. Pierre Schaeffer nous en parle. Si vous me demandez quel rôle a joué le théâtre des Champs-Élysées dans la musique concrète, je vais être bien embarrassé parce que la musique concrète a eu des débuts difficiles. Et en ce qui me concerne, je n'aurais jamais cherché la grande enceinte du théâtre des Champs-Élysées pour affronter un public que je sais pointilleux et habitué davantage au programme classique, au programme reçu. Le tout premier concert, c'était à l'École normale de musique. Puis ensuite, nous avons osé aller dans la vieille salle du conservatoire, qui est une acoustique merveilleuse. Et puis quand Béjart a dansé la symphonie pour un homme seul, c'était au théâtre de l'Étoile. Bref. Je crois que seuls les bruiteurs italiens, Marinetti et sa troupe, et je n'y étais pas, ont osé attaquer de front le théâtre des Champs-Élysées. Et s'il y a quand même une fois, j'en ai encore un très grand effroi, il fallait bien l'aplomb de Hermann Scherchen, sa foi dans la musique de Varèse, sa foi aussi dans la musique expérimentale, son amitié pour ce que nous essayons de faire, pour imposer dans le programme, tenez-vous bien, de l'Orchestre National, les déserts de Varèse, qui étaient alternativement des pièces pour grand orchestre et des pièces pour musique enregistrée. Varèse avait ramené de New York des sons qui m'avaient effrayé, parce que même à cette époque déjà, nous désirions sortir de la musique concrète du bruitage, n'avoir aucune espèce de confusion entre les bruiteurs et ce que nous essayons de faire avec les objets musicaux. Et Varèse, lui, dans l'enthousiasme de la jeunesse, si j'ose dire, avait ramené de New York des bruits de grues, des grincements d'essieux, toutes choses qui étaient déjà prohibées dans le studio dont j'avais la responsabilité. Alors, quand j'ai vu les grues et les essieux de New York affronter aux musiciens de l'Orchestre National en habit et aux dames de l'assistance, j'ai pensé que ça allait aller très mal. En effet, ça a été très mal. J'ai supplié Scherchen de faire des coupures. Il n'y a pas eu de coupure et tout le monde a encaissé les déserts de Varèse en version intégrale. Et je veux dire qu'il y a eu non seulement du chahut dans la salle, mais que le téléphone a dû sonner aux oreilles de M. Porcher ce soir-là. Voilà, mais ces souvenirs, vous voyez, ne sont pas extrêmement reluisants, et pourtant, comme dit Jolivet, qui est, je crois, aussi l'élève de Varèse, Jolivet dit de la musique que c'est un geste instrumental, qui est fait pour parvenir aux oreilles de l'auditeur. Eh bien, cette formule heureuse, enjambant la musique des notes, la musique des notations et la musique mathématique qui est si en vogue à cette époque, est une formule qui est tout à fait nôtre, et car en effet, le geste du musicien, au fond, n'est pas autre chose qu'un grincement de cordes, de boyaux de chat, plus précisément des violons, avec du crin de cheval qui est sur un archer. Et si nous avons appelé ce son mélodieux et musical, c'est à la suite d'une longue habitude, il n'est pas exclu qu'un jour ou l'autre, les grincements de grues de Varèse, importés des États-Unis, ne paraissent aussi mélodieux ou aussi intéressants musicalement que les grincements vénérables de l'archer sur un violon. Eh bien, dans toutes les batailles, et encore plus après, il y a toujours un grognard, un homme qui n'est pas content. Salvador Dali, vous avez fait beaucoup de décors au Théâtre des Champs-Élysées. Est-ce que je peux vous demander quelques souvenirs à ce sujet? Tous de mauvais souvenirs. C'est pas possible. Oui, parce que tous étaient, on a trahi d'une façon fondamentale les idées typiquement indiennes qui devaient être d'une grande authenticité. Alors on a changé tout pour en faire une espèce de ballet comme les autres, avec des horribles costumes et des objets qui n'avaient rien à faire avec ce que j'avais projeté. Et d'ailleurs, justement, il y a mon avocat qui s'occupe de ça, et ça va être un procès qui, je crois, amusera tout le monde vers le printemps. Toujours, on vous promet qu'on va faire des choses extraordinaires qu'on n'a jamais fait. Et on a beaucoup, je donne beaucoup d'idées, mais malheureusement, au moment où ça se lève le rideau, c'est toujours pareil, il y a un décor, plus ou moins comme les autres, plus ou moins bien, et des gens qui sautent comme des puces devant, que c'est le ballet, etc. Mais jamais on introduit ce que moi, j'ai. Toute ma vie, je lutte pour avoir un rideau de 25 motocyclettes, réel, avec le moteur en marche, qui se bousculent et qui se cognent les unes contre les autres, on dit que oui, mais à la fin, il n'y a jamais les motocyclettes. Ce qui est très, très facile, parce que des motocyclettes, on en achète partout, il y en a partout. Mais c'est que physiquement, accrocher des motocyclettes et les faire pendre, qu'il y ait les moteurs en marche, et qu'on voit la collision réelle de ces objets, tout ça, c'est en dehors de la routine de ce que c'est que de faire un ballet, que de faire un théâtre. Alors toujours, on finit pour avoir une toile peinte. Ça m'a créé une très bonne insatisfaction, et comme tout ce que je veux, ça va être fait un jour ou un autre, alors au contraire, comme ça, le jour que ça se fera, ça sera plus violent encore, beaucoup plus violent. Si vous n'étiez pas très heureux de la réalisation pratique de vos souhaits, est-ce que vous n'avez quand même pas vu dans ce théâtre des choses qui ont pu vous toucher, ou entendu naturellement de grands artistes ou... Ah non, ce qui m'intéresse le plus maintenant, c'est de ce que je n'ai pas connu. C'est le volume de la poitrine de Chaliapin. Ça vraiment, c'est une chose qui me passionne de faire des études. Parce que c'est l'espace. Mais vous savez que le pied de Nijinsky également était extraordinaire. Il n'avait pas un pied comme tout le monde. Il avait un pied avec un pouce beaucoup plus fort. Ah, mais je vous crois parfaitement. Je suis tout à fait partisan de cette idée que Montaigne, Michel de Montaigne, a toute sa vie voulu imposer contre les gens déjà progressistes, lequel disait qu'il y a plus de différence d'un être humain à un autre être humain que d'un animal à un autre. Donc il y a beaucoup plus de différence entre vous et moi qu'entre une puce et une girafe. Le théâtre des Champs-Élysées a toujours été, comme on dit, un des temples de la danse. Jean Cocteau nous dit comment il est venu au ballet. Je me suis vraiment embarqué dans le train des ballets russes avec Picasso quand je l'ai décidé à faire avec moi le ballet Parade, avec moi et avec Eric Satie. Et à cette époque, il y avait la rigueur cubiste, et emmener Picasso dans un ballet, c'est exactement comme emmener Monsieur Renan dans les coulisses d'un music hall. Tout le monde m'en voulait. Et je me souviens de lui avoir demandé cette collaboration à Montparnasse, entre le Dôme et la Rotonde, au milieu de la rue où des vieilles femmes poussaient des voitures avec des tortues. C'était encore la campagne. Boulevard Montparnasse. Tout ça était très vite, oui, entre le Dôme et la Rotonde. Et nous, quand on a parlé aussi de nos costumes, nous usions nos vieux costumes du bord de la mer et ensuite c'est devenu un uniforme. Nous étions une troupe de camarades et nous n'avions jamais pensé que nous sauterions l'obstacle. C'était entre nous. Les ballets du Marquis de Cuevas ont été l'une des grandes illustrations de ce théâtre de la danse, le théâtre des Champs-Élysées. Demandons quelques souvenirs à quelques danseurs qui nous entourent. Tout d'abord, Golovine. Quand je pense au théâtre des Champs-Élysées, c'est avec une émotion particulière, car j'y ai fait mes débuts dans la compagnie du grand ballet du Marquis de Cuevas en 1950 dans L'Oiseau Bleu, en compagnie d'Ariette Tobi. Puis j'ai créé les principaux rôles classiques et de nombreuses créations avec beaucoup de succès. Et aussi, c'est là la dernière fois que nous avons donné le spectacle de La Belle au bois dormant. Et le Marquis de Cuevas était dans la salle. Je l'ai rencontré et il m'a dit, « Serge, quand c'est que tu vas danser ?» Alors, je lui ai répondu, « Dans 4 jours. » Il m'a dit, « Mon Dieu, pourvu que Dieu me donne la force de vivre jusque... je puis te voir encore une fois. » Et après le spectacle, il est venu sur la scène, il a pris ma main, il l'a serré très fort et il a fait ses adieux au public parisien. Ce fut mon souvenir le plus dramatique. Serge Golovine, vous avez eu l'occasion, au moment de l'œuvre du XXe siècle, de faire une création qui fut, je crois, très remarquée. Voulez-vous nous dire ce que c'était et nous raconter vos souvenirs ? C'était le ballet Cordelia, dont la musique est de M. Sauguet. Les décors, c'était Jacques Dupont. Et c'était John Taras qui avait fait la chorégraphie. Je dansais ce ballet avec la jeune étoile Dolores Starr. Et évidemment, c'était très nouveau pour moi, parce que le ballet était assez moderne et la musique était très belle. Et je me souviens, seulement j'avais une émotion parce que j'étais suspendu. J'étais un jeune laveur de carreaux. Je devais arriver dans une mansarde et j'étais suspendu par un fil d'acier. Alors, évidemment, c'était un petit peu risqué parce que je devais de là sauter sur des tables et des chaises. Enfin, tout s'est très bien passé. Nous avons eu un grand succès. Et vous, Olga Dabache? Ce théâtre est vraiment attaché à ma vie. Chaque coin m'est cher. La scène elle-même que je parcourais avant de danser. Et puis même, c'est attaché à ma vie intime, parce que c'est là que j'ai rencontré mon second mari. Alors, ça fait même partie du bonheur de ma vie et de mon amour. Je me tourne maintenant vers Rosella Hightower. Ah, j'ai beaucoup aimé la Sylphide. Parce que là, j'ai été forcée d'apprendre toute une autre école. C'est curieux, parce que l'école de Bournonville à des gestes et des techniques tout à fait différentes que les autres écoles. Alors, pour faire la sylphide, j'étais forcée d'apprendre les pliés à la façon de Bournonville, les porte-bras à la façon de Bournonville. C'est un romanticisme tout à fait différent. Après la mort du marquis, vous êtes revenu de nouveau aux Champs-Élysées. Vous avez organisé vous-même 2 grands galas aux Champs-Élysées, je crois. Oui, c'est un théâtre que j'aime beaucoup, le Champs-Élysées. Je le trouve idéal pour la danse et pour le ballet. Et à ce moment-là, quand on a pensé, nous quatre, c'est Sonia Arava, Eric Brun et Rudolf Nureyev et moi-même, on a pensé de faire un récital à Paris parce qu'on avait très envie d'essayer des chorégraphies qu'on avait faites. Alors j'ai cherché un théâtre Et après, finalement, j'ai rencontré Jacques Stéphane, qui était le directeur et notre ancien directeur chez Cuevas. Il a dit, mais voilà, notre théâtre est à votre disposition. Alors, j'étais ravie, parce que je connaissais le théâtre, je connaissais toute l'équipe, tous les machinistes, et ça m'a simplifié tellement de choses. Autrement, je ne pense pas qu'on aurait pu réussir le récital. Rosella, voulez-vous évoquer la reprise de Piège de lumière au Théâtre des Champs-Élysées après la naissance de votre petite fille? Bon, ça, c'est une expérience que j'oublierai jamais. Parce que, pour commencer, ça m'a pris par surprise et étonnement. Parce que ça faisait 2 ans que j'étais en Amérique en train de danser, en Amérique du Sud, avec une compagnie. Et autant que j'avais plaisir, etc., à danser devant les publics en Amérique du Nord, j'avais quand même très grande envie de rentrer en France et finalement, mon décision a été faite. J'ai dit au revoir les États-Unis, je retourne en France parce qu'au fond, c'est le pays que j'aime le mieux. Alors, j'étais ravie de retourner chez le Marquis pour reprendre une saison qui était en plein au Théâtre Champs-Élysées. Alors, pour mon premier spectacle, ils ont choisi Piège et j'étais très contente parce que j'adorais ce ballet. Et le début de le ballet était merveilleux parce que j'étais si contente d'entendre la musique et tout de Piège. Et d'un coup, c'était mon entrée. Et d'un coup, j'ai entendu plus rien parce que l'applaudissement de le théâtre était... C'était une chose incroyable. J'avais jamais entendu ça. On n'entendait ni musique, ni rien. Alors, j'ai fait mon entrée sur la scène, mais sans musique, sans savoir où c'était. Et jusqu'à la fin de la variation, et bien dans le pas de deux, j'ai entendu aucune musique, que les applaudissements de la salle. Alors, naturellement, j'étais en larmes. J'étais pas dans un très bon état pour continuer à danser. Parce qu'avec toute cette appréciation que le public parisien m'a fait, ça m'a tellement touchée que c'était difficile de me reprendre pour continuer à danser. Mais finalement, ça a été, mais vraiment, c'était une expérience de ma vie, ça. Mais Raimondo de Larrain a une anecdote fort amusante à nous conter. Oui, il a une anecdote très drôle, justement, du Marquis de Cuevas, que un jour, pendant un spectacle, on a entendu siffler pendant tout le temps, et on ne savait pas d'où ça venait, et on a cherché, on a trouvé dans une loge vide, le Marquis à quatre pattes, en train de siffler son propre spectacle parce qu'il l'a trouvé très mauvais. Il avait acheté, comme les enfants, un gros sifflet. Il n'était jamais content. Heureusement, c'est ça qui lui a donné quand même, à la fin, un grand succès. Il n'était jamais content avec ce qu'il faisait. Il disait que ça pouvait être toujours mieux. Et puis voici une autre période, une période plus jeune, c'est la période des ballets des Champs-Élysées avec Roland Petit. Voyons Jean Robin. Oui, il est intéressant de noter que la plupart de nos grands décorateurs actuels ont fait leur premier pas au ballet des Champs-Élysées. Par exemple, Jean-Denis Malclès a dû faire son premier décor pour nous, Claver son premier décor. Même Vakevitch, qui était déjà très connu dans le cinéma, dans les milieux de cinéma, a fait son premier décor de théâtre dans le ballet de Jean Cocteau, Le jeune homme et la mort. Tom Keogh, Beaupère. Jean Robin, et vos danseurs? Eh bien, je crois que tous les grands danseurs français de ces presque 20 dernières années ont débuté au ballet des Champs-Élysées. Nous avons donc Roland Petit, bien sûr, qui était donc tout jeune chorégraphe, Yulia Algaroff, Nathalie Philippard, Jean Babilet, Leslie Caron, Solange Schwartz, Ada Bache et bien d'autres. Le chef d'orchestre titulaire des ballets des Champs-Élysées était André Girard. Les ballets des Champs-Élysées se sont toujours servis de musique originale. Ils ont toujours commandé aux compositeurs. Pour les Français, n'est-ce pas, il y a eu Doric, Cosma, Jacques Ibert, Henri Sauguet. Zizi Jeanmaire, je crois que c'est au Théâtre des Champs-Élysées que vous avez commencé à danser pour le public parisien. Oui, c'est aux Champs-Élysées que j'ai fait mon premier récital. C'est la première fois que je suis montée en scène toute seule, avec une responsabilité. Et c'était en 1946, je crois, avec Fenon Joie. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu des œuvres que vous avez dansées à ce moment-là? Eh bien, je crois que j'avais fait l'Arlequinade que dansait Pavlova. C'était très, très court et pas très au point quand même à cette époque-là. Et puis, voyez, qu'est-ce que j'avais fait? Ah, j'avais fait aussi sur un poème de Valéry, je crois. J'avais fait une danse que Liffard m'avait réglée. Enfin, j'avais fait... c'était une série de petites danses, vous savez, qui suivaient comme ça. C'était l'époque où on commençait tous. et tout le monde se débrouillait pour faire un récital. On essayait de trouver un peu d'argent pour faire un récital, pour sortir. Et puis voilà. Il fallait trouver un cadre qui soit déjà digne de Zizi Jeanmaire. Ben, je ne sais pas, mais en fait, moi j'adore, je trouve que les Champs-Élysées étaient un très beau théâtre. Et... D'ailleurs, à l'époque, on y faisait pas mal de ballets et c'était très bien d'aller aux Champs-Élysées. Le public était déjà un peu préparé. Puis les Champs-Élysées étaient un merveilleux théâtre aussi parce que ça a donné le départ au ballet des Champs-Élysées, c'est-à-dire au ballet de Roland Petit à l'époque. Et il a fait toutes ses premières créations là-bas. Il a fait les forains, il a fait des tas de choses. C'est un souvenir très agréable. En somme, vous êtes partis tous les deux des Champs-Élysées. Exactement. De cette époque, Leslie Caron a retenu d'excellents souvenirs. Aimez-vous le théâtre des Champs-Élysées ? Oui, énormément. Je l'ai aimé tout de suite. Et vous savez pourquoi ? Parce que ça sentait l'éléphant. Et puis, c'est large. Les coulisses sont merveilleuses, il y a de la place pour travailler. Et la scène est superbe pour danser. Je crois que ce serait très mauvais pour la comédie. C'est parfait pour la musique, je crois. J'ai écouté beaucoup de concerts dans les cintres. Et j'y ai vu Maurice Chevalier, qui arrivait à remplir, à chauffer cette énorme salle. C'est une très belle salle. Brassailles, photographe, décorateur, nous parle d'un autre décorateur, son ami Picasso. Il nous a fait un rideau. Il a fait plusieurs rideaux dans sa vie pour différentes choses, mais d'habitude, c'est dans ses œuvres qu'il a choisi quelque chose, n'est-ce pas? Il n'a pas fait spécialement. Quelquefois, il a fait spécialement, mais quelquefois, on choisit dans son œuvre immense, on trouve toujours un élément qui peut servir, convenir à un certain thème. Alors, c'est comme ça qu'il nous a fait un rideau qui se levait sur mon décor. Maintenant, après, n'est-ce pas, il y avait la petite Marina de Berck qui a dansé La plus belle femme du monde. Alors, j'ai amené un jour chez Picasso, après le ballet, elle lui plaisait beaucoup sur la scène. Et alors, j'étais sidéré à quel point Picasso était connaisseur de ballet, parce que, d'abord, il l'a engueulé pour qu'elle se promène en haut talon, puisque les ballerines ne doivent jamais... Ça abîme les pieds, qu'il faut marcher dans des sandales. Comment elle attache son maillot, parce que son maillot, c'est un truc spécial avec un sou... On fait un ourlet, n'est-ce pas? Et elle a même promis de chercher les ballerines de sa femme pour lui donner, parce que c'était juste fin de la guerre et les chaussons étaient de mauvaise qualité. Et les générations succèdent aux générations. Voici les ballets de Maurice Béjart, les derniers venus, mais un homme comme Georges Auric sait apprécier la qualité de ces jeunes. Nous avons des gens nouveaux qu'il faut suivre et qu'il faut applaudir. N'en doutons pas, un homme comme Béjart dans un style complètement opposé. Je parle en ce moment aussi de chorégraphe français, bien entendu. Eh bien, un homme comme Béjart est un homme tout à fait intéressant, remarquable, et dans tout cela, nous trouvons une nouvelle façon de présenter les spectacles dansés, d'animer une troupe d'une façon totalement différente de ce qu'on pouvait voir autrefois, et avec une conception esthétique qui peut surprendre, mais qui tout de même suit notre époque d'une façon très passionnante. Je crois que c'est notre devoir d'assister à tous ces spectacles, d'essayer de les comprendre s'ils nous surprennent parfois un petit peu, et d'autre part, de les soutenir avec toute notre sympathie. C'est ce que je fais jusqu'à présent et je souhaite le faire le plus longtemps possible. Un destin hors série qui est pourtant lié au théâtre des Champs-Élysées, c'est celui de Yvette Chauviré. Il y a un très grand souvenir pour moi qui s'accroche à ce théâtre, à l'époque de 1936, à l'époque où l'opéra était en exil. Il y a très peu de personnes à Paris qui se rappellent de ce moment, car l'opéra était en réparation et en transformation. Alors nous avons échoué au théâtre des Champs-Élysées. Et là, nous avons évidemment continué non seulement les lyriques, mais les soirées de ballet. Et j'ai eu l'occasion de passer deux grands concours. Et des plus importants et intéressants pour moi, du fait que le concours de fin d'année qui, de dernière des grands sujets, m'a promue première des grands sujets. Et le second examen, qui avait lieu 2 semaines après, je passais première danseuse avec Mademoiselle Lisette d'Arsenval. Alors c'est pour vous dire que le Théâtre des Champs-Élysées, vraiment, est pour moi un théâtre qui m'a donné, au fond, le départ de la gloire et qui représente pour moi le théâtre d'ailleurs le plus beau, le plus parfait pour la danse, parce qu'il n'est ni trop grand ni trop petit, il est élégant. Donc pour moi, c'est un théâtre de succès, de gloire, de joie. En plus, j'ai eu l'occasion d'entendre de très très beaux concerts et aussi d'y être applaudi très chaleureusement au cours de récital. Si bien qu'au fond, le point de départ est au fond les Champs-Élysées. C'est amusant. Mais je crois que Ginette Chabetet a un mot à ajouter. Yvette Chauviret, par excès de modestie, ne nous dit pas que c'est dans ce théâtre qu'elle créa le grand pas d'Aubert de Victor Gzowski avec Vladimir Skouratov et où elle obtint un triomphe inoubliable. Un autre chapitre de notre grande soirée, c'est celui des concerts. Jean Viener. Tous les grands théâtres sont venus là, tous les théâtres étrangers. Les Pitoef ont vécu des années dans cette atmosphère-là. Et on y a entendu tout ce qu'on peut imaginer de plus beau dans tous les genres. Depuis Horowitz, qui demeure pour moi en tous les cas le plus énorme pianiste qu'on a jamais fabriqué, jusqu'à Paul Whiteman, en passant par Toscanini, par Furtwängler, par Heifetz, par Kreisler. Enfin, vraiment, c'est l'endroit où on a passé les moments les plus rares, dans une atmosphère qui est toujours restée l'atmosphère du Théâtre des Champs-Élysées, aussi bien au point de vue acoustique qu'au point de vue décoration, qu'au point de vue de l'atmosphère qui avait créé Gabriel Astruc. On peut dire que les chefs les plus prestigieux ont dirigé au Théâtre des Champs-Élysées. Un homme comme Bruno Walter a laissé des souvenirs durables. Vera Volman. Mes souvenirs les plus marquants du Théâtre des Champs-Élysées remontent à mon adolescence, à ma toute première adolescence. Je me rappelle un concert que Bruno Walter est venu donner avec la Philharmonie de Vienne. Et naturellement, la salle était comble. Il a d'abord donné du Mozart, je crois, peut-être du Brahms, je n'en suis pas sûre. Mais en tout cas, à la fin, le public ne s'en allait pas. Tout le monde était debout, tout le monde applaudissait. Et Bruno Walter a fini par revenir. Et il a dirigé par cœur, et tous les musiciens ont joué par cœur, le Beau Danube Bleu. Et je vous assure que le Beau Danube Bleu joué par la Philharmonie de Vienne, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Je ne pense pas que ce soit mon souvenir qui le déforme, parce que vraiment, j'en ai gardé un souvenir inoubliable. Et les gens ne s'en allaient toujours pas. Il a fallu éteindre les lumières pour que les gens se décident enfin à s'en aller. Le poète Pierre-Jean Jouve était l'ami de Bruno Walter et c'est lui maintenant qui nous parle du grand chef d'orchestre. Le Théâtre des Champs-Élysées est lié pour moi à la plupart des événements musicaux à partir de 1920 jusqu'à l'époque récente. Il me souvient d'y avoir vu une des premières représentations en ballet des Noces de Stravinsky, d'y avoir entendu presque tous les concerts qui pouvaient révéler de nouvelles formes musicales. Je revois un peu plus loin dans ma mémoire un cycle entier des opéras de Mozart que Bruno Walter avait entrepris en une période un peu crépusculaire de sa magnifique carrière. C'était bien avant Salzbourg, mais la présentation scénique était piètre et le cycle fut interrompu en cours de route. Par contre, les plus beaux concerts de Walter vers la fin de sa vie eurent lieu dans cette salle. Il y dirigea, dans l'esprit profond de la musique qu'il habitait si fortement, la 4e symphonie de Gustav Mahler et le chant de la terre. Et c'est sur le plateau même de la scène que je vis Bruno Walter pour la dernière fois. Fuyant les applaudissements et les rappels, il me disait son enchantement d'avoir fait entendre la musique maçonnique de Mozart. Dans le foisonnement de la vie musicale au Théâtre des Champs-Élysées, Henri Dutilleux a choisi quelques points. Et en particulier, il nous rappelle le rôle qu'un homme comme Desormières, qui a si bien servi la musique, a rempli au moment de la période de la Libération avec Manuel Rosenthal. Toute la période qui a suivi immédiatement la Libération, c'est ça qui a le plus marqué. C'est de mes souvenirs, c'est de mes souvenirs de la salle des Champs-Élysées. C'est cette période-là, c'est cette époque, vous savez, où, sous la direction de Roger Desormières, de Manuel Rosenthal et d'autres chefs encore, nous avons à ce moment-là pu entendre beaucoup d'œuvres dont nous étions privés depuis longtemps. L'œuvre de Stravinsky. Oui, Pauline Demitte, puis alors Bartok, qu'on commençait à jouer pas mal en France. Et puis enfin, surtout, des musiciens que l'on ne jouait plus, vous le savez bien, pendant une certaine période, c'est-à-dire Schoenberg et Darius Milhaud, ou même Paul Lucas. Enfin, pour nous, c'était une grande révélation. Moi, j'assistais à peu près à tous ces concerts, comme beaucoup de mes amis d'ailleurs, beaucoup de mes camarades. On peut dire que Antal Doratti a révélé au public français un compositeur comme Bartok. Oh mon Dieu, vous savez, une anecdote, c'est comme ça, c'est très difficile. C'est comme dans, chez le photographe, on dit maintenant souriez. On ne peut plus sourire à ce moment-là. Mais enfin, il y en a beaucoup, il y a des centaines, des milliers de choses amusantes qui m'arrivent. Bartok, il était un homme avec très peu de paroles, aussi Kodály. Mais oui, quand quelqu'un a dit « Maintenant j'ai composé une chose qui sera bien pour alto et basse également », alors il a répondu « Donc pour ni un ni l'autre ». C'est à bien des titres que le nom d'Henri Barrault est lié au Théâtre des Champs-Élysées, mais c'est aujourd'hui le compositeur qui parlera. Il est certain que, pour moi, la vie musicale de Paris, c'est les Champs-Élysées d'abord, n'est-ce pas, bien entendu. C'est tout de même là, je vous dis, qu'on a joué toutes mes œuvres, et c'est là que j'ai été le plus malade à chacune de mes créations, des créations de mes œuvres. C'est là que j'ai eu mes plus affreuses émotions, car évidemment, la création d'une œuvre, vous pouvez vous douter de ce que ça peut représenter pour un compositeur, surtout de certaines œuvres. Puisque vous parliez du mystère des Saints Innocents tout à l'heure, que d'autre part j'ai dédié à la mémoire de mon frère fusillé pendant la guerre par la Gestapo, eh bien évidemment, le souvenir de cette création, de cette œuvre au Théâtre des Champs-Élysées, c'est une chose qui me bouleverse encore. C'est la plus terrible émotion de ma vie. Donnons la parole maintenant à un des plus jeunes chefs d'orchestre, Georges Prêtre. J'ai beaucoup de souvenirs au Théâtre des Champs-Élysées. J'y ai fait mes débuts à Paris, au concert. J'ai travaillé souvent avec la Société des Concerts et l'Orchestre National, et avec des artistes, des grands artistes tels que Victoria Los Angeles, Rosanna Carteri, Denis Duval. Nous avons fait des créations de Poulenc. Naturellement, aujourd'hui, nous sommes très tristes parce que, naturellement, Poulenc est parti. Et ça me rappelle que nous avons fait l'année dernière la création du Gloria, son Gloria. Pour moi, c'était un très grand ami et il était vraiment, vraiment très gentil. Moi, je vous dis, je l'aimais beaucoup. Et il était très amusant, d'ailleurs. Il était très amusant et je pense d'ailleurs, même pour sa musique, voyez-vous, il nous disait toujours, oh, moi je veux jouer plutôt ma musique gay, même le Gloria. Rosanna Carteri nous dit avec émotion tout ce qu'elle doit à Poulenc. Maître Poulenc, c'est un grand ami à moi. J'ai créé le Gloria ici, à Paris, à Champs-Élysées. J'ai eu cette chance et je l'aimais beaucoup. Et sa mort, c'était épouvantable pour moi. Vraiment, je chantais le Requiem de Verdi pour Francis Poulenc. Votre carrière aussi, madame, au Théâtre des Champs-Élysées, a eu été un très grand succès lorsque vous avez chanté l'opéra d'Aran. Oui, j'ai chanté l'opéra d'Aran et j'ai fait 23 représentations. J'ai travaillé avec tout mon enthousiasme. J'ai trouvé un public extraordinaire. C'était un rôle aussi extraordinaire pour moi. Les activités du Théâtre des Champs-Élysées ont toujours été diverses. Ainsi, on a vu Maurice Chevalier, pendant 5 semaines, tenir en haleine le public des Champs-Élysées. Sylvie Albert, appelez donc Maurice Chevalier au téléphone. Allô? Allô, monsieur Chevalier? Oui, madame. Je serais très très heureux si vous vouliez bien nous parler. Oui, ben, vous savez, je me rappelle évidemment particulièrement du Théâtre des Champs-Élysées pour deux choses principales, n'est-ce pas, en dehors du fait qu'il est probablement le plus beau théâtre de France. Une fois, la fête des petits lits blancs qui se passait au Théâtre des Champs-Élysées il y a très longtemps, et je crois que c'était la première fois que, dans une grande soirée parisienne, Miss Linguette et moi étaient un petit peu en compétition. En ce sens que, pendant très longtemps, j'avais joué avec Miss Linguette, nous étions partenaires, et qu'à ce moment-là, elle était, elle, je crois, vedette du Moulin Rouge, et moi, j'étais au Casino de Paris, et comme nous passions tous les deux dans la soirée des petits blancs, ça faisait pour la première fois une espèce de petite compétition que le public parisien, d'ailleurs, Arrangé très très très facilement, en étant très aimable avec les deux compétiteurs. Enfin, c'était une soirée très jolie et très émouvante. Et alors, je me rappelle particulièrement et beaucoup plus profondément encore du Théâtre des Champs-Élysées, parce que c'est là où j'ai pour la première fois en France fait une série de récitals de tous les soirs qui a duré plus d'un mois, et à chaque soirée nous avons refusé du monde, ce qui était extraordinaire, non seulement comme nouvelle création professionnelle, n'est-ce pas, mais comme hommage. Je considère ça réellement probablement le grand honneur de toute ma carrière. Autre spectacle très étonnant, c'est celui des Black Nativity. Charles Vann vous présente les protagonistes. Marianne Williams, c'est la première fois que vous venez à Paris. It's the first time you come in Paris. This is the first time I'm in Paris. And what do you think about Paris? Oh, I think Paris, the people here in Paris are wonderful, and the audience, we are so happy that they came to hear us and respond the way they do. I think it's marvelous. C'est en souriant qu'elle dit toute sa joie d'avoir eu un public comme celui du Théâtre des Champs-Élysées. Et je vais lui demander maintenant, do you hope to come back in Paris soon? We hope that we'll get back to Paris real soon. And where do you will come back? I want to come back to the Champs-Élysées Theater. Story of his glory, Christ is born. Oh, Christ is born. Cette voix-là a remporté un triomphe tous les soirs, ainsi que celle de toutes ses camarades et tous ses camarades. Monsieur Bradford, vous voulez nous dire quelques mots? I love Paris. I want to return back to Paris more often. Oui, I just love the Champs-Élysées, and the crowds have been wonderful, and I'm looking forward to coming back. Il prépare déjà ses projets, ses plans pour revenir ici dans très bientôt. Merci, Monsieur Bradford. Et voici certainement l'une des artistes les plus émouvantes de la compagnie Black Nativity, Princess Stuart. Princess Stuart a entendu les applaudissements, le triomphe qu'elle a eu au théâtre, mais elle ne les a pas vus, car comme on le sait, on a pu le lire, Princess Stuart rentre en scène et est assise avec une canne blanche. Princess Stuart, tell me what you think about your performance at the Théâtre des Champs-Élysées, please. I love the Champs-Élysées, and I love the stage. I like working the stage of the Champs-Élysées. Nice. And I love Paris. Thank you very much. Ici, nous avons assisté à des ballets, des concerts, des galas. Mais il y eut aussi de grandes soirées d'hommage. L'une fut offerte à Francis James. François Mauriac, vous en souvenez-vous? Je me la rappelle très bien, parce que c'est l'unique fois que ce grand poète trop oublié qu'est Francis James a eu quelque chose qui ressemblait à une consécration officielle. Claudel et moi-même, nous représentions l'Académie française, cette Académie qui par deux fois avait écarté le pauvre Francis James. Et c'est l'unique fois que le poète d'Asparin a eu le sentiment de sa gloire. Au fond, il y tenait beaucoup. Il avait beaucoup souffert d'être écarté des honneurs, quoique il les repoussa, il avait refusé la Légion d'honneur. Mais malgré tout, il avait le sentiment très justifié de la beauté et de l'importance de son œuvre. Il savait quel rôle et quelle place il tenait dans la poésie française, mais en même temps, il voyait bien que le courant poétique allait dans un tout autre sens et s'écartait de lui. Je ne sais s'il a pressenti l'oubli et le silence qui règne maintenant sur lui. En tout cas, cette soirée au Théâtre des Champs-Élysées fut pour lui certainement, avant sa mort, une sorte de soirée de réparation. Et comme, malgré tout, il avait cette forme d'imagination méridionale, je me suis très bien rendu compte qu'il a donné à cette soirée plus d'importance qu'elle n'en avait réellement. Il a cru que tout Paris était devant lui et lui rendait hommage. Et il en a été très heureux. Et moi, surtout, qui dois tant à Jam et qui avait tant d'admiration pour lui, je me suis profondément réjoui d'être de ceux qui, ce soir-là, rendaient hommage à Francis Jam. Je représentais ses disciples, enfin la première génération qu'il avait aimée et pour laquelle il avait été le poète préféré et le maître, en quelque sorte. Et à sa gauche était assis Claudel, qui était certainement, parmi ses camarades, celui qu'il admirait le plus, et surtout celui qui avait aidé à sa conversion. Et certainement que Claudel représentait pour Jam ce qu'il y avait de plus grand dans la littérature. L'opéra Le Consul a été l'une des grandes manifestations du théâtre des Champs-Élysées. Hervé Dugardin et Yann Carlo Menotti en parlent. Grâce à M. Menotti et son génie de la mise en scène, nous avons pu présenter un spectacle absolument remarquable et qui a, je crois, remporté un très très très grand succès à Paris auprès des musiciens. C'était d'autant plus important que Menotti nous apportait en quelque sorte une nouvelle forme d'opéra, aussi bien sur le plan du langage et du sujet, que sur le plan de la musique, que sur le plan de la mise en scène. Mais je vais demander à M. Menotti maintenant si lui-même a été content d'avoir son œuvre présentée et créée en France au Théâtre des Champs-Élysées. Il me faut avouer que pour moi, la première du Consul à Paris a été sûrement la soirée la plus mémorable de ma vie. Je n'ai jamais eu autant de peur pour rien. Mais la chose qui vraiment me touche, ce n'est pas seulement qu'on aille donner le Consul à Paris, mais qu'on s'en souvienne. Des souvenirs et encore des souvenirs. Eh bien, Robert Bronstein, nous vous écoutons. Vous dire que la salle du Théâtre des Champs-Élysées est une belle salle, serait une vérité de la palice. Je peux en tout cas vous dire qu'elle me rappelle beaucoup, quant à la qualité de son acoustique, la salle du Royal Festival Hall de Londres, qui est également une fort belle salle où j'ai dirigé souvent. Et si vous voulez une petite anecdote, je peux vous citer le mot d'un grand pianiste étranger de passage à Paris. Mot concernant le Théâtre des Champs-Élysées, il m'a dit « Vois-tu, si je n'avais qu'un concert à donner dans ma vie, je crois sincèrement que c'est au Théâtre des Champs-Élysées que j'aurais choisi de le donner. » Et vous, Chanson François ? J'ai beaucoup de souvenirs précis, puisque j'y ai souvent joué. Une fois, j'ai failli emporter les décors en rentrant sur la scène. Une autre fois, j'ai joué avec Silvestri le concerto en la majeure de Liszt, dont il avait donné une interprétation tout à fait extraordinaire. Vous savez, c'est un concerto qui est excessivement rhapsodique, et dans lequel il faut vraiment une interprétation du chef d'orchestre, au même titre que celle d'un interprète. Et il m'avait admirablement accompagné, c'était vraiment très très beau ce qu'il avait fait, il y avait une très grande poésie dans son interprétation, et en sortant de scène, je le félicite, et il me répond avec un air un peu bougon, vous savez, c'est un faussement bougon qu'il a, et il me dit, vous savez ce que ça veut dire Liszt en hongrois? Alors pour moi, vous imaginez, Liszt représente tout ce que l'on veut, un archange, enfin, le symbole du romantisme, et je lui dis non, je n'ai aucune idée. Il me dit, Liszt en hongrois, ça veut dire farine. C'était tout un siècle de romantisme qui s'écroulait à mes pieds. Roland Charmy. Ma grande soirée aux Champs-Élysées, ça a été le jour où j'ai joué le concerto à la mémoire d'un ange, d'Alban Berg. Le départ de ça, c'est une rencontre avec mon ami Manuel Rosenthal, qui dans un couloir à la radio m'a dit, tiens, pourquoi tu ne travaillerais pas? Pourquoi on ne ferait pas le concerto à la mémoire d'un ange, d'Alban Berg. J'avais accompagné à l'orchestre ce concerto à son dédicataire, Kantner, je crois. Et j'avais eu une impression, c'était un garçon qui jouait très bien du violon, et ça avait été mon premier contact avec la musique d'Alban Berg. J'avais trouvé ça très, très épatant. Mais enfin, il fallait une circonstance, c'est Manuel Rosenthal qui a créé cette circonstance, et je me suis mis au travail. Moi, je crois que la date était assez rapprochée, et il a fallu tout de même monter ça en un mois et demi, deux mois. Et alors j'ai tout de suite été très attaché par cette partie de violon que j'avais entendue au milieu de toute la grande musique. Mais enfin, quand il a fallu m'intéresser manuellement à ce concerto, j'ai été très pris et j'ai travaillé vraiment avec beaucoup de cœur. Mais j'ai été très aidé par un disciple bien connu de cette école, Max Deutsch, qui est venu très souvent à la maison me réduire au piano, n'est-ce pas, tout l'orchestre. Et il a eu la gentillesse de bien vouloir me dire que je comprenais assez bien cette musique. Je lui regarde une grande reconnaissance à Max Deutsch. Et puis alors la fameuse soirée est arrivée. Alors là, ça a été très drôle parce que je n'étais pas plus ému que pour jouer autre chose. Ça a très bien marché. Le public à la fin a été partagé. Il y a eu ceux qui applaudissaient et ceux qui criaient. Moi, j'avais fini et tout ça m'amusait plutôt qu'autre chose. Mais ce qui a été le plus drôle, n'est-ce pas, à mon petit point de vue personnel, n'est-ce pas, c'est qu'on ne s'est pas occupé de me dire si je jouais bien, si je jouais mal, si j'avais un joli son, si j'avais un bon bras. J'étais le gars qui avait joué ça par cœur. Lily Laskin. J'ai eu le plaisir de jouer son concerto, je crois en première audition à Paris, avec l'Orchestre National au Théâtre des Champs-Élysées. Et ça me rappelle un concert que j'ai fait au Théâtre des Champs-Élysées bien des années auparavant, avec le grand chef russe Koussevitzky, qui m'avait demandé de jouer le concerto de Germaine Taillefer en première audition européenne. Et ce jour-là, tout allait bien, quoique dans la première partie, nous avons été interrompus par une alerte au feu. Tout le public s'est levé, mais inutile de dire que les musiciens et moi, la première, nous sommes restés assis, très calmes. Mais ce n'était qu'une alerte, tout le monde est rentré et j'ai continué mon petit concerto. Pierre Dervaux, vous êtes un élève d'Ivnat. Je crois que vous avez eu le très grand honneur de donner avec lui, en première audition, son concerto au Théâtre des Champs-Élysées. Quel souvenir est-ce que cela évoque pour vous ? Oh, évidemment, un merveilleux souvenir, comme d'ailleurs à tous ceux qui l'ont entendu. Et je pense qu'on entend trop peu cette œuvre. Je m'adresse au pianiste par la même occasion, qui ferait bien de s'en occuper un petit peu plus. C'est en effet un concert qui a été donné, je crois, le 4 février 54 avec l'Orchestre National, avec évidemment le compositeur au piano. Et pour moi, c'est un, je le répète, un merveilleux souvenir. Guy Ferchaud interroge Andrés Segovia. Puisque nous avons la joie de vous avoir parmi nous ce soir, mon cher maître, et que vous avez bien voulu jouer pour les activités musicales des jeunes, nous voudrions vous demander quand ou dans quelles circonstances vous avez joué pour la première fois dans ce théâtre aujourd'hui cinquantenaire. Eh bien, je ne me souviens pas exactement, mais je crois que j'ai donné quelques concerts avant la guerre. Et puis, aussi plusieurs concerts après la guerre, quand je suis retourné ici en France en 1947 ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous auriez des souvenirs personnels particuliers dans le cadre de ce théâtre ? Eh bien, n'est-ce pas, quand on joue, on regarde très peu. Et le public et la salle où l'on joue. Je me souviens, en échange, quand j'ai été auditeur, d'avoir entendu ici de grands artistes, n'est-ce pas, mes amis, que ce soit Kreisler, Heifetz, pour moi, c'est une chose assez distrayante pour entendre la musique que de voir de très beaux décors et de très belles peintures. Et parmi les œuvres que vous avez jouées, vous souvenez-vous quelles sont celles qui ont eu le plus de succès ? Ça, c'est terriblement présomptueux de ma part de répondre que je ne me souviens pas parce que toutes ont des succès à cause du charme de la guitare. Nous voici presque au terme de notre grande soirée et dans quelques instants, vous entendrez le même concert qu'il y a 50 ans. Mais, il y a 50 ans, Saint-Saëns, Fauré, Ducasse, Debussy pouvaient diriger eux-mêmes leurs œuvres. Aujourd'hui, évidemment, tous sont morts. Pourtant, Manuel Rosenthal a rencontré Fauré dans son extrême jeunesse. Oh, je n'ai pas connu Fauré, malheureusement, mais je l'ai souvent aperçu au conservatoire. Lorsque j'étais en classe de solfège, il était encore directeur du conservatoire. Et je raconte maintenant à mes élèves, dans ce même conservatoire, mais je crois qu'ils ne réalisent pas, quelle pouvait être l'admiration fervente qui allait jusqu'au tremblement de crainte, de dévotion qui nous prenait simplement lorsque nous apercevions Fauré. Je me souviens très bien qu'étant dans le hall avec mes camarades, sortant de classe, tout d'un coup, quelqu'un disait « Voilà Fauré ». On ne disait pas « Voilà directeur », on disait « Voilà Fauré ». Et alors, nous allions nous cacher sous la cage d'escalier, comme si Fauré avait pu nous apercevoir, et puis, enfin, il ne pensait pas à nous, il était perdu dans ses rêves musicaux, mais nous pensions que nous étions indignes. Je pense que c'était là, ça, notre pensée. Nous étions indignes même d'être aperçus par Fauré. Alors, nous allions nous cacher sous la cage de l'escalier, et là, hors de la vue de Fauré, nous retirions nos bérets, nos casquettes, nos chapeaux, de façon à ce que, même dans l'ombre, être respectueux vis-à-vis de ce grand musicien. Il descendait lentement, revêtu d'une sorte de houppelan de verdâtre. Il devait la porter depuis 30 ou 40 ans. Elle ressemblait à ces soutanes de curé de village, verdies tellement elles sont usées par les intempéries. Et c'était voilà, l'image du grand musicien qui était directeur du conservatoire et qui descendait l'escalier. J'aimerais beaucoup que les jeunes musiciens pensent à ce tableau et l'admiration, la ferveur qu'ils pouvaient saisir des jeunes élèves devant un grand musicien qui allait à leur rencontre. Ça me rappelle que, passant dernièrement une visite médicale chez un médecin agréé par le ministère de l'Éducation nationale, cette visite devant prouver que je suis apte à professer au conservatoire, ce médecin me dit que son grand-père, qui avait été médecin lui-même, possédait une lettre de Fauré. Immédiatement, je priais ce médecin de bien vouloir rechercher cette lettre de Fauré pour me la montrer. Et je suis tombé devant le document le plus effrayant, le plus extraordinaire qu'on puisse lire. Cette lettre disait « Cher docteur, bien qu'âgé de 75 ans et n'ayant que 27 ans et quelques mois de professorat ou de direction du conservatoire, on me dit que j'ai besoin d'un certificat médical pour faire valoir mes droits à la retraite. Malheureusement, je ne suis libre que le dimanche entre 5h et 7h à cause de toutes mes occupations. Voudriez-vous avoir la bonté de me recevoir dimanche prochain entre 5h et 7h? Je m'excuse de vous imposer cet horaire et vous prie, cher docteur, etc. » Vraiment, on devrait, j'ai donné le conseil à ce médecin de faire publier, de demander la publication de cette lettre. C'est un tel document d'humilité, de modestie de la part d'un grand musicien qui, à cet âge, après cette longue carrière de grand musicien, de professeur et de directeur du conservatoire, demandait humblement à un médecin de bien vouloir le recevoir dimanche entre 5 et 7 parce que c'était son seul moment de liberté et parce qu'il avait besoin d'un certificat médical pour, comme il disait, faire valoir ses droits à la retraite. Henri Barrault. Un truc, je ne l'ai pas connu à l'époque des Champs-Élysées, je l'ai connu assez longtemps après. Au fond, mes rapports très suivis avec Astruc datent de l'exposition de 1937. J'étais en relation continue avec Astruc, qui m'a très souvent parlé de l'époque des Champs-Élysées. Il était extrêmement fier d'avoir fait cela, et il attachait une très grande importance à dire qu'on avait considérablement exagéré les catastrophes financières qui avaient terminé son règne au Théâtre des Champs-Élysées. En tout cas, évidemment, tout ce qui s'est fait à l'époque où il dirigeait le théâtre, ce sont des manifestations qui ont marqué dans la vie de Paris, non seulement la fameuse création du Sacre, mais bien d'autres choses. Oui, à ce moment-là, il y a eu Pénélope, il y a eu beaucoup de choses très, très importantes. Et il y a eu, à ce moment, vous étiez, je crois, encore un très petit garçon, deviez encore être à Bordeaux, mais celui qui allait devenir votre maître a inauguré le théâtre. Il faisait partie du concert d'inauguration. C'était Paul Dukas. Avez-vous des souvenirs sur Paul Dukas ? Paul Dukas, c'est la même chose. J'ai des souvenirs un peu de la fin de sa vie. Quand je suis venu à Paris pour faire de la musique, j'ai travaillé en effet pendant quelques temps avec Paul Dukas. Pas très longtemps, je dois dire, parce qu'ensuite il est passé au conservatoire. Enfin, et moi, j'avais été expulsé du conservatoire. Par conséquent, je ne pouvais pas y rester avec lui. Mais j'ai travaillé avec lui à l'époque où il était à l'école normale. C'était extrêmement intéressant, d'ailleurs, de travailler avec lui. Pas tellement qu'il vous apporta grand-chose au point de vue de la technique musicale, mais parce que c'était un homme tellement intelligent que toutes les classes qu'il faisait avec 5 ou 6 élèves autour de lui se passaient beaucoup plus en considération très générale. Et c'était là l'intérêt, précisément, que dans la critique proprement dite des ouvrages qu'on lui a portés. Les ouvrages que je lui ai apportés, il ne m'a pas dit grand-chose sur eux. Mais quand il se mettait à faire une analyse d'un quatuor de Beethoven, et puis que de là, il commençait à s'envoler et qu'il prenait des vues générales sur la musique de chambre, sur les problèmes de la musique de chambre, alors ça devenait tout à fait passionnant. On avait affaire à un homme profondément intelligent et cultivé. C'était également, je ne dirais pas déprimant, mais enfin, il fallait avoir déjà acquis une certaine maturité et une certaine synthèse personnelle, parce que autrement, on risquait alors un peu d'être, sinon stérilisé, tout au moins, on risquait une certaine inquiétude, car cet homme était un grand sceptique. Et dans la manière dont il envisageait tous ses problèmes, il y avait toujours un arrière-plan de scepticisme. C'était un homme qui, il ne faut pas l'oublier, avait cessé de montrer ce qu'il écrivait depuis déjà des années et des années. Et il avait des œuvres dans ses tiroirs que jamais personne n'a connues. Par exemple, son grand ami Robert Bruxell m'a dit bien souvent que Ducas lui avait fait des confidences. Il avait plein ses tiroirs de musique que jamais personne n'a connue. Et il a dit un jour à Robert Bruxell, vous savez, n'ayez pas d'illusions, vous ne trouverez rien, hein, vous ne trouverez rien. Il voulait dire, après ma mort, vous pourrez toujours ouvrir tous les tiroirs, il n'y aura plus rien dedans. Mais il y avait quelque chose. Alors, ce scepticisme qui lui avait fait, en somme, non point tellement abandonner la création que renoncer à montrer sa création et détruire sa création, ce scepticisme, on le sentait. Et pour des élèves qui n'auraient pas eu déjà certaines personnalités constituées, ça pouvait être quelque chose d'un peu déprimant. Certainement, mais pourquoi est-ce qu'il était si malheureux ? Il était, je ne sais pas s'il était malheureux, il était sceptique, il ne croyait plus. En lui ou en les autres ? Je me demande si ce n'était pas dans la musique même, n'est-ce pas ? Je me demande s'il ne voyait pas la musique s'orienter dans une direction où il ne pouvait pas la suivre. Et je crois que ne pouvant pas la suivre dans ce domaine et ne voulant pas la suivre parce qu'il ne la pensait pas comme telle, il ne la pensait pas comme cela, voyant d'autre part que les jeunes musiciens allaient toujours de plus en plus loin, que cette évolution de la musique vers des formes et un langage toujours de plus en plus complexe, que cette évolution ne s'arrêterait pas, n'est-ce pas ? Même si lui ne l'approuvait pas, car il ne l'approuvait pas, mais il disait ceci, par exemple, qu'il avait dit également à Robert Bruxell, « Les jeunes ont toujours raison, même quand ils ont tort. » Et il ne pensait pas par là que les jeunes avaient raison à leur point de vue, mais même au sien, n'est-ce pas ? Il reconnaissait que les jeunes avaient raison contre lui. Mais alors, puisqu'ils avaient raison contre lui, il n'y avait plus qu'à s'arrêter. Et alors, il s'était arrêté, il n'écrivait plus. C'est comme ça que j'interprète cet arrêt dans la manifestation extérieure de ce qu'il créait musicalement. Ce soir, comme il y a 50 ans, Engelbrecht va diriger le concert. Mais maître, il est évident qu'il y a 50 ans, il vous a fallu lutter, ne serait-ce que pour rassembler votre orchestre, le premier orchestre du Théâtre des Champs-Élysées. Il faut vous dire que tout ça a eu lieu à un moment où les musiciens qui collaboraient aux grandes saisons d'Astruc avaient dit « il faut nous prendre, sans ça vous n'aurez pas l'orchestre ». C'est ce qui avait donné l'idée de me demander. Quelqu'un lui avait dit, ben demandez donc à Engelbrecht, je vais m'occuper. Voilà. Alors il m'avait demandé, et j'avais dit, bon, c'est entendu. J'avais d'abord pris toutes mes précautions pour savoir ce que je ferais, même dans ce théâtre. Enfin, tout s'était arrangé assez bien. Et j'ai commencé naturellement à faire des concours. Un jour, j'ai dit à mon garçon de bureau de faire entrer. Il m'a dit, il n'y a personne. J'étais étonné, j'étais avec mon jury, tout prêt à commencer. J'ai attendu un quart d'heure, nous avons fumé une cigarette. Et puis, j'ai redemandé à mon garçon de bureau. Il m'a dit, il n'y a personne. J'avais pris à ce moment-là comme second chef des chœurs Bigot, qui jouait encore dans un orchestre. Il m'a dit, j'ai compris. C'est un petit interdit dont est frappé le futur orchestre. Quelques instrumentistes en cuivre qui tenaient assises dans un petit bistrot de la rue des Abbesses qui s'appelait à la bière. C'était là des gens qui profitaient de toutes ces affaires, qui envoyaient des jeunes les remplacer en leur retenant naturellement une partie de leur cachet, qui avaient fomenté tout simplement une grève des candidats. Alors, on a laissé la grève se passer. Bigot a revu ses camarades. Et puis, quelques temps après, le concours a eu lieu de nouveau. Et j'ai eu un excellent pupitre de cuivre, choisi parmi des jeunes qui, enfin, n'avaient pas eu peur de venir Et pendant très longtemps, avant que le théâtre fût construit complètement, je recevais moi-même tout le monde dans un tout petit bureau qui se trouvait au-dessus du cabinet d'Astruc. C'était même très drôle parce que les musiciens ne pensaient pas que c'était moi qui prenais tous les noms. Alors je me souviens qu'on m'avait raconté que les musiciens se disaient entre eux, « Tu l'as vu, Hegel ?» Il disait, oh non, il y a une petite gueule d'anglais qui prend votre nom. Peut-être que mes ascendances britanniques de me donner la petite gueule d'anglais. Puis alors, il y avait dans les chœurs, il y avait aussi des choses assez drôles. Un jour, j'avais vu entrer pour se faire inscrire deux dames. J'avais reconnu l'une d'elles comme une choriste que j'avais employée dans le temps, au Bouffe Parisien. Alors, je lui ai demandé son nom, son âge, si elle parlait une langue étrangère, etc., n'est-ce pas? Et puis, elle m'a dit, il y a aussi ma copine. Ah, mademoiselle! En effet, une grande dinde qui était là devant. Je lui ai dit, alors, mademoiselle, quel nom, prénom, âge, tout ça? Et je lui ai dit, quelle voix? Alors, elle m'a dit, voix basse. Alors sa copine, pour la mère, lui a dit contralto, elle dit c'est vrai, je ne m'en rappelle jamais. C'était très curieux parce que d'abord il n'y avait que du plâtre, il n'y avait pas encore tout le revêtement de marbre qui existe. Et puis la fosse d'orchestre était d'une profondeur incroyable et d'une exiguïté incroyable aussi. J'ai appelé un des architectes, je lui ai demandé combien il y avait de mètres carrés, il m'a dit 60, j'ai dit 60 musiciens. Alors, je me suis dit, mais pas du tout, la petite flûte n'a pas besoin de temps. Enfin, Astruc, qui aimait bien trancher, dit, ça ne fait rien, nous arrangerons ça quand Weingartner viendra. Et quand il est arrivé, il a dit, naturellement, Carabriel, c'est pas possible, c'est trop petit. Et on a dû, tout simplement, quelques jours avant l'ouverture, démolir à coup de chalumeau oxydrique la barrière en ciment armé. Astruc m'avait dit, vous me prendrez des rangs de fauteuils. Je lui avais dit, écoutez, vendez déjà tous les autres et vous ne me ferez pas une mauvaise affaire. Un soir, justement, nous étions allés avec Stenlen voir le théâtre des Champs-Élysées, encore dans les gravats. Et Astruc lui a dit, voilà Stenlen, vous voyez, il y aura en haut naturellement la frise de Bourdelle, il y aura au plafond la peinture de Moïse Denis, et puis il y aura le rideau. Comme dans tous les théâtres, il y aura d'abord le rideau de fer, je vois qui se lèvera, hein, il se lèvera sur un rideau d'argent. Alors, l'ouverture commencera, et à la fin de l'ouverture, le rideau d'argent se lèvera sur un rideau d'or. Et Astruc avait conclu, en somme, Stenlen, n'est-ce pas, ce sera les trois âges, l'âge de fer, l'âge d'argent et l'âge d'or. Eh bien, maître, avant de passer au pupitre, Michel Philippot vous demande de nous parler un peu de Debussy. La Loïfilière devait, c'était une drôle d'idée, mais enfin, devait faire un ballet des nocturnes de Debussy. C'est-à-dire qu'elle devait danser le premier et le troisième. Le second étant conservé pour l'orchestre seul, ce qui était très agréable. Et alors, un soir, j'étais au studio, je faisais répéter les nocturnes, quand tout d'un coup, j'ai vu la porte s'ouvrir et Debussy entrer avec sa femme. J'étais un petit peu gêné, naturellement. Alors Debussy m'a dit, mais comment ça se fait que vous répétez sans m'avoir appelé? À quoi je lui ai dit, mais maître, nous lisons cette partition, n'est-ce pas? Je ne pensais pas vous faire venir avant qu'elle fût au moins débrouillée. À quoi Debussy m'a dit, il n'est pas possible que vous la jouiez telle qu'elle, je l'ai refaite complètement, il faut d'abord que je vous fasse voir la version définitive que j'ai établie. J'étais donc déjà un peu gêné quand il m'a dit, d'ailleurs, vous avez joué d'autres choses de moi dans ce théâtre. Je dis, oui, maître, j'ai rejoué l'après-midi d'un faune que vous aviez dirigé au concert inaugural, mais je ne pensais pas que vous désiriez venir à un concert. Il dit, oui, vous avez joué une autre chose aussi. J'ai dit, oui, la marche écossaise. N'est-ce pas, chaque fois que je pouvais, il y avait un acrobate du violon dont le nom m'a échappé, ce qui vaut peut-être mieux, qui avait donné des concerts, et pour me remettre de ce qu'il jouait, je plaçais des morceaux que j'aimais. Alors j'avais mis une fois l'après-midi d'un faune, et une autre fois la marche écossaise. Alors je dis à Debussy, mais oui, mais j'ai joué cette marche écossaise. Alors il m'a dit, eh bien mon petit, je ne l'ai jamais entendu. Alors, La répétition s'est arrêtée, j'ai fait distribuer tout de suite la marche écossaise, et je l'ai joué à Debussy, qui se promenait dans le studio, et puis qu'après, il dit, mais c'est joli. Il a eu donc le plaisir de l'entendre, quelques 11 ans, je crois, après l'avoir écrite. Oui, 13 ans, je crois même. 13 ans même, après l'avoir écrite. Je veux dire, à ce moment-là, on savait attendre. C'était peut-être une garantie d'un certain désintéressement quand on écrivait de la musique. Ah, d'ailleurs. Oui. Alors là, la glace a été rompue, n'est-ce pas ? Il est né vraiment une affection très émouvante qui s'est poursuivie jusqu'à sa mort. Et c'est Debussy d'ailleurs qui disait que le Théâtre des Champs-Élysées était vraiment la maison de la musique. Absolument. Plutôt que la musique qui avait trouvé sa maison. Oui, qu'elle avait trouvé sa maison, ça il l'a écrit. Et vraiment, c'était aussi la maison de Debussy, parce que très tôt, il m'a donné des conseils magnifiques, n'est-ce pas ? Je me souviens, mais tenez, nous parlions tout à l'heure de l'ode à la musique. J'anticipe, c'était la seconde année, car ce pauvre Théâtre des Champs-Élysées qui a duré 6 mois, a tout de même eu 2 saisons. Il y avait la première saison, puis celle qui a repris au mois de... Alors là, on avait donné un concert composé d'œuvres de Debussy. Lequel concert commençait par l'ode à la musique. J'étais en train de répéter, quand tout d'un coup, je sens quelqu'un qui me dit « Un peu plus vite, Ariel, un peu plus vite. » Et je sens cette voix qui se précise, et puis mon estrade un petit peu qui bouge, et c'était Debussy qui me disait « Un peu plus vite. » Je vous rappelle que c'était un concert consacré aux œuvres de Debussy. Il me disait ça pour l'ode à la musique. Alors nous retrouvons après dans mon bureau, où il montait toujours fumer une cigarette, et il me dit, mon petit Engel, je vous demande bien pardon pour ce qui s'est passé tout à l'heure. À quoi je lui dis, mais maître, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors il me dit, non, pour ce que je vous ai dit pour l'ode à la musique. Mais voyez-vous, mon petit, c'est une œuvre que j'aime tellement, il me semble que vous la dirigez trop lentement. Alors le plus drôle est que sur le moment, j'étais pas de son avis. Mais je l'ai naturellement écouté. Et peu de temps après, je me suis rendu compte que c'est lui qui avait raison. Comme il eut toujours raison, je me souviens une autre fois, je dirigeais l'ouverture des maîtres chanteurs. Alors il m'a dit, écoutez, Engel, dans cette œuvre que je connais bien, voyez-vous, il me semble, vers la fin, cette marche des maîtres qui arrive à la fin, vous l'étendez comme on le fait beaucoup, je sais bien, on élargit jusqu'à la fin. Il me semble que c'est une erreur. Il me semble que le début et la fin doivent être exactement pris dans le même tempo. Et alors au milieu, on peut faire tout ce qu'on veut, mais tout le côté architectonique de l'œuvre réside dans cette règle. Et c'est vrai. C'était absolument vrai, je m'en suis rendu compte naturellement après. Et je crois que ça a été une très grosse déception pour tous les artistes que vous aviez vous-même engagés, et pour vous-même d'ailleurs certainement, de devoir abandonner ce premier effort, cette lancée extraordinaire aussi rapidement. Oh, c'était affreusement triste, n'est-ce pas ? Nous étions en train de monter Boris. Nous étions en train de monter Boris en français pour la première fois à Paris. Nous répétions Boris. Quand Astruc m'a fait venir chez lui un matin... Et m'a dit, eh bien, on ne peut plus continuer, c'est fini. Il me semble que nous devons, en tout cas, mourir en beauté. Il m'a dit, comment mourir en beauté ? Je dis, oui, nous sommes en train de monter Boris, nous devons donner Boris. Il m'a dit, mais comment ? Je dis, nous devons donner Boris au public. Mais comment ? Je lui dis, mais gratuitement. Il me dit, comment vous croyez tenir votre personnel au point ? Je dis oui, je crois que je peux tenir mon personnel à ce point. Alors, j'ai passé tout l'après-midi à voir toutes les corporations. Musiciens, choristes, machinistes, ouvreuses. Unanimement, ça a été convenu. J'ai été appelé par la princesse Polignac qui m'a dit, j'apprends ce qui se passe. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Qu'est-ce que vous désireriez ? Nous désirerions au moins continuer un peu. On a dit, bon, combien ça coûterait-il ? Je le lui ai dit. Il m'a dit, c'est entendu. Vous aurez cet argent à votre disposition. Et alors ce soir-là, ma foi, quand à la fin de Boris, le pauvre innocent parle de la pauvre Russie en recevant la neige qui lui tombe, C'était aussi l'agonie du théâtre qui s'ensevelissait. Oui, c'est de cet ensevelissement, d'ailleurs, que je crois, et vous le rappelez dans votre livre « Mouvement contraire », Debussy a dit que c'était une aventure infiniment triste et désobligeante pour l'art. Oui. Mais heureusement, il y a eu une suite à cette destinée du théâtre, car tout de même, c'est là, pendant très longtemps, qu'a joué aussi l'Orchestre National que vous aviez fondé. Mais naturellement, et oui. C'est très drôle, j'étais, malgré moi, relié tout le temps à ce théâtre, n'est-ce pas ? C'était une espèce de havre où je dois revenir, où je reviens encore pour ce concert après 50 ans. Je crois que, malgré tout, le théâtre des Champs-Élysées est resté la maison de la musique, puisque c'est peut-être l'endroit, ou en tout cas l'un des endroits, où ont été révélés depuis 50 ans certains des plus grands chefs-d'œuvre de la musique. C'est sûr. À présent, la foule entre lentement dans la salle. Déjà, les musiciens gagnent leur pupitre. L'orchestre s'accorde. Place à la musique. Première diffusion de l'émission qui suit, 1er avril 1963. Ainsi se terminait cette émission, la quatrième d'une série proposée par Pierre Barbier sous le titre 15 Avenue Montaigne, diffusée à l'occasion du 50e anniversaire du Théâtre des Champs-Élysées à Paris, le 1er avril 1963. Un concert attendait les auditeurs de France 3 nationale, mais que nous n'entendrons pas, nous, cette nuit. Alors à vous d'écouter votre musique préférée ou bien au contraire à vous d'écouter la suite du programme des Nuits de France Culture. De toute façon, demain à la même heure, dans ces mêmes Nuits de France Culture, suite de la série.